Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents. Ils méditent le mal dans leur cœur. Ils excitent chaque jour des combats. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont le venin de l'aspic sous leurs lèvres. Garde-moi, Éternel, des mains du méchant. Protège mes pas contre la violence. Je sais que l'Éternel fera droit à l'affligé et justice aux pauvres. Oui, les justes célébreront ton nom. Les hommes droits demeureront devant ta face. Dans l'orage, tu es mon rempart.